31e chapitre. Le château de Coidelan. Suite. C'était une belle gentilhommière que Coidelan, appartenant depuis nombre d'années à la famille Le Chevoir. C'est un manoir de la fin du XVe, parfaitement bien conservé de nos jours. Cette propriété, dont avait hérité Marie, était située à une demi-lieue du village de Prat, près la ville de Tréguier. Elle ressemblait à presque tous les manoirs bretons construits à cette époque. C'est-à-dire qu'elle se composait d'un vaste corps de logis rectangulaire dont les deux extrémités étaient défendues par deux pavillons en saillie. Au centre se trouvait une élégante tourelle renfermant l'escalier. Tout près était la principale porte en ogive surélevée, ornée d'élégantes colonnettes et surmontée des trois écussons seigneuriaux. Derrière s'étendait alors un vaste étang dont les eaux venaient battre les murs de l'édifice. Il a disparu entièrement aujourd'hui. Plus loin, à quelque distance, on remarquait un vieux menhir d'une quinzaine de pieds d'élévation. Bizarre obélisque de granit, dont le but et l'origine se perdent dans la nuit des temps. Depuis que Guéder avait fixé son séjour dans ce château, il travaillait à le restaurer et à l'embellir, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voulant surtout se mettre à l'abri d'un coup de main, il s'occupait à creuser de larges fossés et faisait en même temps couronner le portail et les bâtiments de Coidelan d'une galerie en saillie munie de mâchicoulis. De plus, désirant dominer le pays, il avait donné des ordres pour exaucer la tourelle dont nous venons de parler. S'il agissait de cette manière, c'est qu'au milieu de sa retraite, il était loin d'être sans inquiétude. Il craignait quelque surprise ou quelque attaque de la part de plusieurs gentilshommes dont il avait ruiné les familles pendant les guerres de la Ligue. Il cherchait donc par tous les moyens à rendre difficile l'accès de son manoir. Ainsi, les portes qui, autrefois, étaient simplement en bois, il avait eu soin de les barder de fer et d'y pratiquer des guichets revêtus de grilles épaisses. Puis, c'étaient des trappes, des meurtrières, des cachettes, des souterrains et des passages dont les issues n'étaient connues que de lui et dont il lui était impossible de deviner l'existence. Enfin, dans l'intérieur des murailles, il faisait percer plusieurs escaliers sombres et mystérieux. Personne mieux que lui ne s'entendait à ces sortes de constructions. Il en avait donné des preuves en bâtissant le redoutable fort de l'île Tristan. D'autres travaux occupaient encore ses instants. Il poussait avec vigueur l'achèvement du château de Trébriand en Trémel. Ce manoir qui est situé près Plestin est moins considérable que Coidelan. C'est un simple corps de logis au milieu d'une cour entourée d'un mur et d'un fossé. Une porte cintrée et un pont-levis y donnaient accès. Ce manoir, qui faisait aussi partie de l'héritage de Marie, n'était pas entièrement terminé quand il en prit possession. Malgré le changement qui s'était opéré dans la vie de la Fontenelle, depuis la pacification et malgré l'existence tranquille qu'il était forcé de mener, cependant il ne pouvait rester inactif à Coidelan. Puisque maintenant il lui était défendu de se jeter comme autrefois dans les entreprises périlleuses, de ravager les villages et de surprendre les royaux jusque dans leurs villes, il fallait qu'il donnât d'autres aliments à l'activité qui le dévorait au sein de cette vie paisible de gentilhomme à laquelle l'impérieuse nécessité l'avait rivé. Avec l'extinction de la Ligue avait fini sa puissance. Seulement, le prestige de son effrayante renommée subsistait toujours. Certes, quand son autorité ne fut plus qu'illusoire et qu'il n'eut plus que le titre de gouverneur de Douarnenez, alors, après sa chute, avec sa nature nerveuse et indomptable, il serait devenu fou et n'aurait jamais pu supporter la nouvelle existence que lui avait faite le roi. Mais il trouva un remède à ses ennuis et à ses déceptions. Ce fut l'amour de Marie. Dieu, qui devait bientôt punir la Fontenelle de ses crimes, permit encore que ce réprouvé trouvât l'héritière de Mézarnoux sur son chemin. Ce mariage avait comblé le vide de son cœur, car il avait rencontré dans Marie une de ces femmes qui sont les anges de ce monde. Cependant, malgré le charme inexprimable qu'il ressentait près d'elle, Guy Hédère, emporté par la fougue de son caractère, faisait de fréquentes excursions au dehors. Tantôt il visitait ses châteaux de Trébriand, de la Fontenelle et de la Ville Dorée. La Ville Dorée est un manoir près Saint-Brieuc. La Fontenelle, également située comme la Ville Dorée dans la paroisse de Trégueux, est une ancienne métairie noble qui fut l'apanage de Guéder et dont il prit le nom. Ou bien il se rendait à Paimpol, à Tréguier et à l'île Bréa, où habitaient quelques-uns de ses amis et plusieurs de ses officiers. Dans ses excursions, il se faisait presque toujours accompagner par Kiliek, qui avait aussi voulu suivre son jeune maître dans sa nouvelle résidence. Rarement il dirigeait ses courses vers l'île Tristan. Il n'y allait que lorsque les besoins de son service l'exigeaient absolument. Rien ne l'attirait plus vers cette île qu'il avait tant aimée. Quant aux immenses richesses qu'il avait retirées de ses rapines et qui étaient renfermées dans son fort, il les avait fait transporter à Quadélan.